On va parler de football. Les Gaillards de Jonquière ont perdu le bol d'or, défaite de 35-20 contre la formation de Saint-Hyacinthe. Formation de Saint-Hyacinthe qui était seulement la quatrième année. On en parle avec François Laberge. On va faire le bilan également. Salut François. Salut Danny. D'entrée de jeu, François, je veux parler de la web diffusion. Me dis une affaire, c'est... T'es agréablement surpris. Je m'attendais que ça allait être amateur ou pas loin. Puis c'est très bien fait. Les prises de vue, la description, c'est pas RDS, mais c'est très écoutable, mettons. Oui, non, c'est vraiment bien. C'est une grosse organisation. Le bol d'or, en général, je te dirais, si tu avais pu voir les installations au centre Claude Robillard aussi, il y a quatre équipes qui roulent en même temps. Nous, on était juste après le bol d'or, division 3. Donc à division 1, excuse-moi, fait que eux, ça roulait, il y a plein de chambres, il y a de l'ambiance partout. C'est vraiment un gros événement. Puis au niveau de la web diffusion, ben ça fait plusieurs années qu'ils sont là, puis ils l'ont vraiment bien là. Ça pourrait difficilement être mieux, je te dirais. Ah non, regarde, j'ai été vraiment agréablement surpris. On va parler maintenant de cette défaite là, 35-20. J'ai écouté un bout du match. Écoute, ça a été comment on peut analyser ça? Ben écoute, on a très mal joué en première demi. Ben, on était quand même, on avait des gars qui en étaient beaucoup à leur premier match de championnat. On avait des gars de l'an passé qui eux l'avaient vécu. C'était un peu plus c'est des gars qui contrôlaient un peu plus leur émotion, mais en début de match, la première demi, on s'est vraiment fait mal, on s'est tiré dans le pied nous-mêmes. On a fait des graves erreurs, des erreurs d'exécution, autant que des erreurs au niveau de personnel, des joueurs qui ont fait des bourbes. Puis ça nous a coûté le match. Là. C'était une équipe qu'il fallait marquer rapidement, puis les forcer à faire du football de rattrapage. Puis au lieu de ça, ils ont mené pendant 60 minutes. Donc c'était pas ce qu'on voulait. Puis c'est vraiment un gros apprentissage pour mes jeunes joueurs là qui vont sortir plus fort de ce match-là, je suis certain. Ben, regarde, quelque part, c'est... mais est-ce que tu m'as dit, beaucoup étaient à leur première année, par contre, il y avait des vétérans là-dedans qui connaissaient le tabac. Est-ce que, du côté, est-ce que ça a paru quand même? Est-ce qu'on a calmé hein, dans le vestiaire entre la première et la deuxième demi? Ouais, je pense que les gars, en deuxième demi, on a vraiment bien joué. Ouais, hein? La deuxième demi a été beaucoup plus équilibrée, même qu'on a eu un petit peu le dessus. On a manqué certains gros jeux qui auraient pu nous donner encore plus de momentum, mais tu sais, c'est ça, les gars, je pense que dans le feu de l'action, on a certains joueurs qui ont, comme je t'ai dit, c'est un gros événement, puis on le sent quand on est sur place que c'est pas une game ordinaire, c'est pas, les gars ont perdu un peu, certains gars ont perdu leur repère, puis écoute, il faut apprendre de ça, puis se relever, mais oui, en deuxième demi, on a joué du bon football, j'étais fier des gars, tu sais, à 20-0, les gars, à 19-0, les gars auraient pu facilement abandonner. Ils n'ont jamais lâché. On a mis ça à 29-20. Mm. On a raté le converti sur un bad snap. Puis sinon, c'était une possession d'écart. Mais ça a démontré beaucoup de caractère au niveau des gars. Puis ça, c'est vraiment intéressant pour l'année prochaine. Ben oui, justement. Puis regarde, hey, il y a un batteur, le batteur de Saint-Hyacinthe. 39. Hey, écoute bien, 39 verges, un batteur de la Ligue canadienne, normalement, c'est un... La Ligue canadienne, en effet, c'est quoi, 43, 44 verges de moyenne? Lui, t'as 39, puis ouais, au niveau collégial, là, puis le positionnement de terrain au football, c'est important, là. Ben, ça, je te dirais que c'est une bonne partie du match qui s'est joué. Ouais, hein? Écoute, sur ses bottés d'envoi, là, mes retourneurs attrapaient la balle à l'intérieur du 5, tandis que le mien, leur retourneur l'attrapait au 25, au 30. Okay. Fait que c'est une différence, à chaque botté, c'est une différence de 20 à 25 verges de positionnement sur le terrain. La meilleure place, position qu'on s'est donnée, c'est qu'on a remonté la balle au 30, puis c'est quand même un retour de 25 verges qui est pas mauvais dans le collégial, même 25, 26, 27, parce que la balle, elle tombait au 5 et à l'intérieur du 5. Sur les bottés de dégagement, il était très bon aussi, à toutes les fois qu'il dégage, c'est très haut, c'est loin, c'est profond. Fait que ça donne beaucoup de chance à son unité de couverture de faire un bon travail. Puis sur les placements, ben il était juste parfait. Là. Il y en a réussi un de 39, il y en a réussi un de 38, de 36, puis il y a deux autres dans 29 puis 27, je crois. Puis écoute, ça passait en plein milieu, puis ça défonçait la zone. Lui est déjà commis avec les carabins, je pense. Mais la moyenne d'un botteur au niveau collégial, c'est quoi, 25-26 à peu près? Sur les bottés de dégagement, là, les bons sont à 30-32. Okay. Sinon, la moyenne, ça doit ressembler à 27-28 verges là, des bottés de dégagement. Ben, c'est toute qu'une différence. C'est, écoute, le positionnement de terrain sur le football, c'est une des choses que, avec les pénalités et les unités spéciales, c'est ce qu'on appelle les impondérables, puis c'est important. Hey, François, donc, une bonne année encore qui se termine. Défaite de 35-20, mais lorsqu'on se trouve en bol d'or, on peut pas dire que c'est décevant. On est satisfait du côté des Gaillards, certainement, hein? Ben, écoute, présentement, c'est dur d'être satisfait, là. C'est une défaite qui fait mal, quand même. Parce que, tu sais, ça prend énormément de sacrifices pour se rendre jusque-là. Tu sais, on a pratiqué jusqu'au 16 novembre dehors. Il a fait froid les trois dernières semaines. Les deux dernières semaines, particulièrement. On a pratiqué dans le blizzard, la veille de notre demi-finale contre les Vulcans. Mais c'est ça, du bon football canadien, François. C'est ça, du football canadien, du vrai football. C'est ça. À chaque année, je veux jouer dans cette température-là, mais cette année, le bol d'or a été repoussé d'une semaine aussi. Okay. Hein. L'année passée, il était le 12 novembre. Cette année, on s'est retrouvé être le 18 novembre. En région, à Montréal, ils voient pas de différence, mais en région, ça a été un petit peu plus difficile. Parce que pratiquer dans la neige, c'est correct, c'est bien correct, mais il y a des choses que tu fais qui tu sais, les gars, ça représente pas exactement le match qu'on a joué en fin de semaine. Fait que c'est pas une excuse, mais les températures nous ont pas. On n'a pas eu une belle fin d'automne cette année. Ça a affecté un petit peu nos pratiques là, la semaine dernière surtout, là, puis la fin de l'autre semaine. Ça reste que c'est une super belle saison. Tu veux jouer toujours le plus tard. Tu veux te rendre jusqu'au bout, mais ça, on va être capable de l'analyser peut-être dans quelques semaines, parce que présentement, on pense juste à la douleur du match. Moi, j'ai vu... Ils ont terminé avec les Gaillards, puis on est triste pour eux, puis... C'est juste à ça que je pense. Là, J'ai vu une photo de Jonathan Potvin. Écoute, je connais sa fille, c'est pas sa fille, mais sa mère, Julie. Je connais. Jonathan Potvin, je sais pas si tu as vu cette photo-là. Une photo vaut mille mots, hein? Jonathan, on le voit, il est débâti. C'est sa photo, là, il est débâti, puis il a vraiment de la peine. Là, je pense que ça résumait bien le moral des gars après le match. Ouais, les gars. Ouais, hein? Les gars, là, tu trouves ça dur parce que tu passes tellement proche. Ouais. Ça fait plus mal perdre au bol d'or que de perdre en quart de finale ou de pas faire les séries. T'sais, ça, mais là, t'étais là, t'étais proche, tu pouvais être touché. Ouais. C'est quelque chose qui fait encore plus mal, mais moi, je veux que les gars se servent de cette douleur-là comme source de motivation dans les prochains mois. Là. Les mois plates de l'hiver où tu fais juste de l'entraînement, puis que le football te demande parce que tu pratiques à l'intérieur, mais c'est vraiment pas des pratiques en gymnase, c'est pas ce qui est le mieux au football. Les gars ont hâte de sortir dehors. Je veux qu'ils servent de la douleur qu'ils ont eue à la fin de ce match-là pour les moments difficiles, puis que ça serve de motivation justement dans leur entraînement. OK. On va faire un tour rapide des gars qui du haut du lac. Faut toujours faire le tour un peu. Il y a d'abord trois gars qui ont été sélectionnés sur l'équipe d'étoiles. Donc, on va commencer avec lui. J'ai parlé la semaine passée, c'est Simon Gagnon. Autre bonne année, Simon Gagnon qui a été choisi sur l'équipe d'étoiles. Ouais, Simon, c'est ce qu'on appelle en langage de football un shutdown corner. Ouais. Il y a pas beaucoup de monde qui ont lancé sur lui cette année. Il y avait pas des statistiques incroyables au niveau des plaqués, des interceptions, tout ça. Mais c'est parce que les autres équipes, en faisant le vidéo, savaient très bien que tu lances pas souvent de ce côté-là. Pas été battu souvent sur la longue balle. Très, très rapide, très fort physiquement aussi. Quand ça court de son côté, il est là en run support. Une très bonne année pour Simon, encore une fois, là. Ça va être un gars... très dominant sa quatrième saison. McGill, McGill et Bishop, semble-t-il, seraient intéressés. Du côté d'un autre, lui, c'était une recrue. Quelle performance, Jordan Fortin. Sur l'équipe d'étoiles, c'est vraiment extraordinaire. Là. Il est là. Écoute, il était dans un ménage à trois, avec deux autres porteurs de ballon, puis là, il tombe sur l'équipe d'étoiles avec un ménage à trois. Ça veut dire que ce gars-là a énormément de potentiel. Là. Si je me trompe-tu en disant ça? Ah non, il y a un potentiel énorme. C'est un gars qui s'est jamais entraîné de sa vie. Fait qu'imagine jusqu'où ça peut aller si Jordan décide de mettre tous les efforts. Parce que si s'il veut jouer au prochain niveau, c'est simple. Il faut qu'il commit au football puis qu'il fasse du football à l'année. Il faut qu'il l'aille dans sa tête. Donc, il faut qu'il y ait une préparation physique. Sa famille le suit. Il était à tous nos matchs. C'est des passionnés. Ouais, je connais son père. Un animal. C'est un animal à l'état brut. Là, il est incroyable. Il manquait beaucoup de football IQ au début de l'année. À Saint-Félicien, ils se donnent à fond. Kevin Tremblay fait un job incroyable, mais il manque beaucoup de coach. Il n'avait jamais vraiment eu de coach à sa position comme porteur de ballon. Puis mon coach des porteurs, Alexandre Larouche, a fait une super job avec au niveau de la compréhension du jeu, de la prise de décision avec le ballon. Puis là, présentement, quand il courait à champ ouvert, il voyait un demi-défensif, il rentrait dedans une casse en premier. Puis là, maintenant, il va jouer sur les angles. Il est capable de sauter par-dessus des joueurs. Écoute, il a sauté par-dessus 4 gars cette année. Quand le running back arrive, le gars vient pour le plaquer, se penche. Lui, il est capable de sauter par-dessus puis de continuer à courir après. C'est un athlète exceptionnel, puis il court extrêmement pesant. Puis oui, tu sais, il est promu à un super avenir. Je pense que le fait d'être dans un ménage à 3 le rend encore plus dominant, parce que c'est un coureur qui court tellement pesant que il peut pas courir 45 courses par partie. C'est un Jerome Bettis, c'est ça? À peu près, ouais, c'est un autobus. Peut-être un peu plus athlétique, un peu moins pesant que Jerome Bettis, ouais. Mais dans le style de coureur, oui, ça ressemble à Jerome Bettis. OK, alors maintenant, on va y aller avec le joueur qui est le plus talentueux, en tout cas que je n'entends parler depuis longtemps, que tu as réussi à convaincre, en te remerciant d'ailleurs, à donner une entrevue, c'est Philippe Lavoie. Ouais, Phil est incroyable. Je te dirais qu'après le match, le gars des universités me parlait tout, ben Phil, là. Ils m'ont parlé de plusieurs gars, mais Phil était sur toutes les lèvres de tous les recruteurs universitaires. J'ai parlé avec Concordia, Bishop, McGill, Montréal, Laval, Laval était pas là, Sherbrooke, les cinq autres, puis Ottawa aussi. Puis tu sais, les pieds du numéro 45, sa vision du jeu, tout ça. Les recruteurs l'ont vu tout de suite. Puis c'est sûr que c'est un gars qui va choisir son université. On a encore du travail à faire avec lui. Il y a encore quelques petites affaires. Je pense que Phil était extrêmement déçu après le match. Le sentiment du devoir inachevé encore. Puis je pense qu'il va revenir extrêmement fort pour sa dernière saison l'année prochaine. Okay. L'objectif va être clair dans sa tête. Mais une excellente saison, Phil, qui a été nommé le MVP défensif de la division Nord-Est cette année est pleinement. Ah, tout un joueur. Bon, on va y aller rapidement. William Saint-Pierre. Très bonne année, première année. Oui, William, Bonne. Ouais, Will n'avait pas joué beaucoup l'année passée. Non, c'est vrai. Il avait un comme de 2 ans off, là. Il avait joué beaucoup à PWD. Ça y a pris un petit peu de temps, mais un coup que la machine a été partie, Will a été très, très bon. Meneur des interceptions dans notre équipe. Très rapide, très, très bon en couverture homme à homme. Excellent couverture de zone. Will a eu une super saison. C'est un joueur d'impact et il va l'être encore l'année prochaine. On est très heureux d'avoir un joueur. Antoine Routier a joué sa dernière saison avec les Gaillards. Il a terminé cette année un bon leader, capitaine. A bien fait ça, un cogneur, un gars qui faisait sentir sa présence dans le champ centre, si on veut dire, en étant maraudeur, en étant de safety. Lui a eu une grosse année quand même au niveau des stats, beaucoup de plaqués. Un bon gars aussi, un gars d'équipe, un bon étudiant. Antoine va nous manquer énormément, mais il va être toujours le bien. Est-ce que lui est commis avec une université? Pas encore, hein? Non, lui a décidé de se concentrer sur les études. Okay, ouais, c'est vrai. S'il avait commis à l'université, il aurait été probablement à Sherbrooke ou Bishop. Okay. Mais il a décidé, son programme se donne à Laval, puis Laval, ben il faut que tu sois tout un joueur pour aller en Détroit à Laval. OK. Jonathan Potvin. Jonathan Potvin, excellente saison recrue, a été très utilisé ses unités spéciales, un petit peu moins à sa position, mais il était derrière 2 vétérans très solides, là. Donc, lui, son off-season va être important. L'été passé, il y a eu une mononucléose. Ça a vraiment amputé sa première année parce qu'il est arrivé. Écoute, il y a eu le feu vert des médecins de recommencer à bouger 2-3 jours avant le début du camp d'entraînement. Ouais. Donc, rien pu faire de l'été. Ça a été un peu un reconditionnement, mais c'est un gars qui a des qualités athlétiques incroyables. C'est un des plus vite de l'équipe. Il est explosif. On a travaillé son football IQ aussi, là, ça comprendre les schemes, bien jouer les positions de zone, parce qu'il est habitué de jouer souvent les mêmes couvertures. Puis je pense que l'avenir est très bon avec Jonathan. OK. Ça fait du tout, il m'en manque-tu? Il manque Raphaël La Montagne. Un joueur un receveur qu'on a transféré comme joueur de ligne défensif. Okay. A été excellent. très dominant, un gars qui est à qualité athlétique incroyable, comprenait pas tout à fait la position parce qu'elle l'avait, on l'avait changé cette année. Plus l'année avançait, plus il comprenait. C'est un gars qui a fait des gros jeux. Il a fait une interception pour un toucher contre les Vulcains de Victoriaville en demi-finale sur un jeu incroyable. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui pourraient faire ce genre de jeu-là. C'est un gars qui a eu une belle progression durant toute la saison. On a adoré ce que Raphaël a mis, puis il a toujours fait passer l'équipe en avant. On lui a demandé d'aller jouer D-line, il y a été. On lui demandait des choses, il était toujours présent. Donc une bonne saison pour lui. On a aussi William Gagnon, le frère de Simon. Ouais. Oui. Beaucoup moins parce qu'étant donné que lui c'est un joueur de première année aussi qui arrivait puis qu'il était cornerback là, la position où on a le plus de joueurs, donc lui ça a été une année d'apprentissage, a quand même bien fait les choses. Moi j'ai adoré son attitude, il a jamais manqué de pratique, toujours travaillé fort dans les entraînements. Okay. Il a toujours fait ce qu'il avait à faire, fait que Simon, je pense qu'il peut continuer à progresser, puis il a clairement sa place dans le calibre collégial. Dernière question, François, parce que ça, je vais suivre ça pas mal, ça m'intéresse. Oh, la fin à suivre, j'ai le recrutement, parce que là, il y a trois collèges, excusez-moi, qui vont tenter d'aller chercher du bon matériel en haut du lac. Semble-t-il que la récolte est bonne. Je parlais à Nick Menacci la semaine passée. Il me disait que en haut du lac, c'est fort. Fait que j'imagine que quand on se fait deux bols d'or de fil, c'est pas mal plus facile convaincre des joueurs? Ben écoute, une chose est sûre, c'est que si le jeune cherche la meilleure équipe au Saint-Lac-Saint-Jean, ben j'ai pas à le vanter. J'ai pas, les statistiques le prouvent. Là, cette année, on a complètement on les a vraiment sortis du match. On a joué deux fois contre les Cougars, ça a fini par une vingtaine de points d'écart les deux fois. On a joué deux fois les Janois, on a gagné 62-24, puis on a gagné 45-0. Donc les Cougars, on a gagné 42-18, 45-11. Donc, tu sais, je veux dire, au niveau des résultats, je pense qu'on est clairement une équipe dominante, puis on connaît la recette aussi, là. Moi, je sais ce que ça prend, mes entraîneurs. On a une bonne stabilité au niveau du staff. On sait ce que ça prend pour aller jusqu'au bout, mais, tu sais, chaque joueur, il va falloir les travailler. Un, ça commence par le programme d'études, super important. C'est des étudiants athlètes. Le mot études va toujours venir avant le mot athlète. Donc, ça prend des gars qui, en sortant de leur collège, puissent avoir un emploi ou continuer à l'université. Donc, ça, c'est la priorité, c'est les études. Puis ensuite de ça, ben nous, au niveau de des choses, je pense qu'on a quelque chose de vraiment bien. Au niveau de l'encadrement physique, au niveau de l'encadrement pédagogique, on a un responsable de la réussite scolaire, on a des salles d'études obligatoires, on a tout le support qui est amené. Il y a certains collèges qui disent nous, on est mieux. Je pense que tous les collèges qui apportent un support, peu importe la grandeur du cégep, ça va être bon. Mais comme n'importe quoi dans la vie, Dani, 95% des succès d'une personne part de lui-même. Ouais. Fait que ça va être important que les jeunes comprennent ça, mais nous, on sait qui on a spoté au niveau du lac. On a nos joueurs, on a notre liste est claire. J'ai parlé avec Kevin Tremblay beaucoup, on est allé les voir jouer une fois cet automne. On est allé aussi aller voir les coachés deux fois le printemps passé à Saint-Félicien. On sait qui on veut. Il y a même des gars du haut du lac à Alma, à PWD. Marc-Antoine Robert, qui est le meilleur O-line, D-line de l'Est du Québec. Là, c'est un gars de Saint-Hendax, ça. Ouais, exactement. Lui, c'est écoute, moi, je veux tout faire pour amener ce petit gars-là à Jonquière. C'est un gars que je coach depuis 3 ans à l'école de football l'été. C'est un gars c'est un super joueur de football, mais c'est avant tout une super personne. Fait que des joueurs comme ça, dans le haut du lac, il y en a beaucoup. On veut mettre la main sur ces gars-là. Dire ça à radio de même, dire ça à Marc, Nick, doit le savoir, Jean-Philippe Caron-Tremblay doit le savoir aussi, donc que t'es intéressé, mais dire ça à radio de même, tu te commets pas trop? Non, ben écoute, si eux s'en sont pas rendus compte, là, il faut qu'ils se remettent en question en termes de recruteur, là, parce que le gars, il est juste trop dominant, là, ça n'a pas de bon temps. Okay. Tu le mets au line, c'est le meilleur sur le terrain, tu le mets D-line, c'est le meilleur sur le terrain. Il n'y a aucun doute que Marc-Antoine Robert est un des joueurs de ligne de qualité de la trempe de Julien Simard et bien d'autres qui ont passé au sein de Lac-Saint-Jean. Julien Simard, il est rendu où? Lui, je ne connais pas, excuse-moi. Il est avec moi à Jonquière. Okay. Lui, c'est-tu universitaire? C'est-tu... PWDA. Les universités ne parlaient que de lui. Quand je leur disais qu'il avait 17 ans, la bouche leur tombait. Il fallait leur remanger en mangeoire avec un lift. Là. C'était incroyable de voir le gars. Il a joué au line, D-line, au bol d'or. C'est notre snapper. C'est un gars qui a un rôle déjà très important dans l'équipe. Puis c'est un bébé de 17 ans avec une shape de 6 pieds 2, 275 livres. Aïe, aïe, OK. Ben, François, ça va être une période de recrutement très intéressante. Ça m'intéresse toujours. Moi, je suis ça même aux États-Unis, des fois. Tu sais, c'est l'université, là, les joueurs du high school qui s'en vont dans l'NCAA. C'est un peu le même principe. Ouais. Donc, c'est un peu c'est un peu la même affaire. Donc, ça va être intéressant de suivre les trois collèges du secteur qui vont essayer de cruiser ces joueurs-là. Ah ouais. Ouais, c'est le bon mot, c'est le bon mot. Ouais, on va s'en reparler tout au long de la saison, que ce soit dans le but de sport local ou en entrevue. Toujours un plaisir, Danny. François Laberge, l'instructeur des Gaillards de Jonquière.